नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। Yesterday, especially, we studied last time Sankharupaka Jnana, equanimity and any kinds of sankharas, activity, the formation, right? Practically, it is a very mature state, okay? Yogi, after taking meditation experience thoroughly, like a 1 month or 2 months, or is it depending on his visit and hard working, you're using the power as well, previous paramis, perfection, due to these two causes, get progress at this state, this level. It is a very mature state, the best state for normal people, Putujanat, Mother. Donc hier, nous avons étudié Sankharupaka Jnana, la connaissance de l'équanimité par rapport aux formations. Les formations, ce sont toutes les activités que nous sommes amenés à faire tout au long de la journée. C'est un stade très avancé. Il témoigne de la maturité du méditant. Le yogi, le méditant, s'est donc entraîné pendant 1 mois, 2 mois, voire plus. Et il a compris de mieux en mieux en quoi consistait la vie. Ces cinq forces, ces cinq indriyas sont arrivées à leur maturité. Ils disposent également des paramis, des perfections, c'est-à-dire les actions positives qu'il a accumulées au cours de ses existences antérieures. Ces deux conditions, les cinq indriyas renforcés et les paramis, vont avoir pour résultat que ce méditant pourra progresser très sensiblement. Il va atteindre le stade de maturité, Sankharupaka Jnana. Ce stade de Sankharupaka Jnana est en fait le stade le plus avancé pour un Putujana, un être ordinaire. Le méditant qui en est arrivé au stade précoce de Udayabeya a donc tendance à s'attacher à ces expériences extraordinaires qu'il fait à ce moment-là, mais le professeur va le guider et va l'aider à passer à la stade de maturité de Udayabeya. Le méditant va réussir à y arriver et il va lâcher tout attachement à ces expériences extraordinaires. Ici, à Sankharupaka, il n'y a plus d'image, il n'y a plus toutes ces expériences extraordinaires. Le yogi est extrêmement calme et il peut rester en méditation pendant très longtemps. Donc, arrivé à ce stade de Sankharupaka, le professeur va faire comprendre à l'élève que ce n'est pas encore la fin du chemin. S'il n'a pas la présence d'un bon professeur, l'élève pourrait comprendre par lui-même, grâce à sa connaissance théorique, que ce n'est pas encore la fin du chemin. Il va donc poursuivre son effort, poursuivre sa pratique dans le but d'atteindre l'état de noblesse, Ariyamagga. Donc, il comprend que le stade de l'équanimité, même s'il est très positif, ne constitue pas la fin du chemin. Il doit encore travailler pour réaliser l'état d'Ariya. Mais il le fait sans avidité. Il essaie de ne pas avoir dans son esprit le désir d'arriver à ce stade, car s'il avait du désir pour ce stade dans son esprit, il ne pourrait pas progresser. Donc le méditant est censé progresser et atteindre Ariyamagga. Mais il y a deux raisons pour lesquelles il ne pourra pas y arriver. La première, c'est tes erreurs, de grandes erreurs passées. La deuxième, c'est son trop grand désir d'y arriver. Voyons tout d'abord la première raison qui va l'empêcher d'atteindre le but. Ce sont les grandes erreurs commises dans le passé. Quelles sont ces grandes erreurs? La première, c'est le fait d'avoir tué son père, tué sa mère, ensuite tué un arhat, blessé un Bouddha ou provoqué un schisme dans le Sangha. Donc, les cinq grandes erreurs, grandes fautes qui vont l'empêcher d'atteindre Magga, c'est le fait d'avoir tué sa mère, tué son père, tué un arhat, blessé un Bouddha et occasionné un schisme dans le Sangha. En ce qui concerne la Sangha, dans les commentaires, il est expliqué qu'il s'agit ici de quelqu'un qui accuserait un méditant de ne pas dire la vérité. Il prétend que ce méditant n'a pas atteint l'état de noblesse. Il n'est pas devenu un sotapanna, il n'est pas devenu un sakatagami, il n'est pas devenu un anagami, il n'est pas devenu un arhat. Donc il conteste ses réalisations. Ceci est très dangereux. En Occident, ce n'est pas tellement le cas, mais en Birmanie, dans les pays où on étudie les écritures, les érudits ont parfois tendance à accuser certains méditants ou certains moines de ne pas dire la vérité et de ne pas avoir atteint les stades qu'ils prétendent avoir atteints. Donc la deuxième raison qui va empêcher le méditant d'atteindre le but, il a trop de désirs, son intention est trop forte. Il veut vraiment atteindre le but, il veut devenir un Bouddha, ou bien il veut devenir un Pacheka Bouddha, un Bouddha silencieux, ou encore un arhat comme Sariputta, ou bien il veut obtenir les pouvoirs comme Moggallana. Il y a trop de désirs, le méditant ne pourra pas atteindre le stade d'Ariya, le stade de noblesse pendant sa méditation. S'il persévère, un jour il y arrivera. Mais il lui faudra beaucoup de temps pour y arriver. Il faut savoir que pour devenir un Bouddha, il faut des cycles cosmiques pour développer les paramis, les perfections à leur accomplissement. Pour devenir un Pacheka Bouddha également, il faudra des cycles cosmiques. Pour devenir un grand disciple, Aggasavaka, il faudra également beaucoup de temps. Sariputta et Moggallana étaient deux grands disciples du Bouddha et faisaient donc partie de ce groupe, les Aggasavaka, les grands disciples. Du temps du Bouddha, il n'y avait que deux Aggasavaka, Sariputta et Moggallana, dont les paramis, les vertus, étaient arrivés à leur maturité. Ce stade dont il est question ici est très important car il nous fait passer de l'état de Putujana, d'être ordinaire, à l'état de Ariya, être noble. C'est très important. C'est quelque chose qui est très difficile à obtenir. Ce n'est vraiment pas facile. Les laïcs vont donc s'efforcer d'atteindre ce stade, mais c'est essentiellement une question de paramis de perfection. Si les perfections ont atteint leur accomplissement, cela devient possible. C'est une question d'effort, d'énergie dans la pratique. C'est une question de ne pas avoir trop de désir pour cet état. C'est une question d'avoir diminué les pollutions mentales jusqu'à un certain point qui va leur permettre d'atteindre ce stade. Le méditant est très mûr à ce stade. Il sent à un moment que la réalisation du chemin de Magga n'est pas très loin, qu'il va le réaliser. Son continuum de conscience, qu'on appelle en pali Bhavanga, va alors être interrompu par un moment de conscience que l'on appelle l'esprit qui se tourne vers l'objet. Ensuite, il y aura deux, trois moments de conscience qui vont se succéder et que l'on appelle la préparation, l'accès et la conformité. L'esprit se conforme à la vérité, il s'aligne sur la vérité, autrement dit sur Nibbana. Quand ces trois moments de conscience auront atteint leur perfection, le noble chemin sera réalisé. Le méditant va alors passer de l'état de Putujana, d'être ordinaire, d'être normal, à l'état de Ariya, être noble. Il est très proche de ce moment-là, que l'on appelle Magga, le chemin, la conscience du chemin. Elle est présente à 90%. Il va alors passer encore deux stades, Anuloma et Gotrabo. À ces stades, l'esprit du yogi est très mûr et à Gotrabo, il va changer de lignage, ce qui veut dire qu'il va passer de l'état d'être ordinaire, aligné encore sur le monde, à l'état de noblesse et son esprit va s'aligner sur Nibbana. Il expérimente donc directement Nibbana, il est devenu un Arya, son esprit s'est aligné sur Nibbana. Donc le méditant a changé de lignage, il est passé de l'état d'être ordinaire Putujana à l'état d'être noble Arya. Immédiatement après cette réalisation, il comprend de façon complète les quatre nobles vérités. Il comprend la noble vérité de Dukkha, il comprend la noble vérité de la cause de Dukkha, il comprend la noble vérité de la cessation de Dukkha et il comprend la noble vérité du chemin qui mène à la cessation de Dukkha. Précédemment, il avait déjà une certaine idée de ces quatre nobles vérités, il les comprenait mais de façon incomplète. Ici, lorsqu'il franchit le stade de Magga, le chemin, il les voit dans leur entièreté complètement. Il est devenu un sotapanna. Donc le yogi a franchi Magga, le chemin, et immédiatement après, il va revenir dans un état de conscience ordinaire et il expérimente alors Phala, le fruit. Une fois qu'il aura expérimenté le fruit, il sera devenu un sotapanna à part entière. Bon, ce qui veut dire qu'il est dorénavant entré dans le courant de la délivrance. Il est installé sur le chemin qui va le mener à Nibbana. Il est installé sur le chemin juste. Depuis le temps du Bouddha jusqu'à notre époque actuelle, il faut savoir qu'il y a des millions et des millions de gens qui ont atteint ce stade. Ils sont passés de l'état de souffrance à l'état de paix, autrement dit à Nibbana, à la libération. Donc le méditant est devenu un sotapanna. Après cette expérience de phala, du chemin, différents états de conscience vont se succéder. On les appelle la connaissance de remémoration. Il va se remettre en mémoire les expériences qu'il vient de vivre. Il va se remettre en mémoire le chemin qu'il vient de réaliser, le fruit qu'il vient de réaliser, Nibbana qu'il a atteint. Il examine en quoi cela consiste. Et il va également considérer les kilesa, les pollutions qu'il a déjà éliminées et celles qu'il devra encore éliminer dans le futur. Il aura éliminé, par exemple, le doute sceptique, visikicha, mais il reste encore des pollutions à éliminer. Au stade de Gotrabo, le stade qui précède Magga, le méditant expérimente déjà le chemin, mais il n'est pas encore devenu un sotapanna. Il ne sera devenu un sotapanna lorsqu'il aura réalisé Magga, le chemin. Magga, la conscience du chemin, a quatre fonctions. La première, c'est de lui faire comprendre de façon complète en quoi consiste Dukkha. La deuxième, c'est de lui permettre d'abandonner la cause de Dukkha, le désir. La troisième, c'est de lui permettre de réaliser Nirodha, la cessation de Dukkha. Et la quatrième, c'est de lui permettre de développer le noble octuple sentier. Parfois, certaines personnes pourraient penser qu'ils sont devenus des sotapanna et qu'ils ont donc réalisé Magga. Mais tant qu'ils n'auront pas compris en profondeur et de façon complète ces quatre nobles vérités de la façon qui vient d'être décrite, ils ne sont pas vraiment devenus des sotapanna. À chaque fois que le méditant franchit ces différents stades de Magga, il y a celui du sotapanna, celui du sakatagami, celui de l'anagami et celui de l'arhat, à chaque fois, il va expérimenter ces consciences qui se remémorent. Il se remémore quatre choses pour les trois premiers types d'être noble. Il se remémore le chemin qu'il vient de réaliser, le fruit qu'il vient de réaliser, Nibbana qu'il vient de réaliser, et éventuellement les pollutions qui doivent être encore abandonnées et celles qui ont déjà été abandonnées. Donc il y a à chaque fois cinq connaissances de remémoration pour les trois premiers stades, Sotapanna, Sakatagami et Anagami, mais pour le dernier, l'arhat, comme il n'a plus de pollution à éliminer, il les a toutes éliminées, il ne se remémore que le chemin, le fruit et Nibbana. Il ne se remémore pas les impuretés qui doivent encore être abandonnées ou qui ont été abandonnées. Donc au total, 19 sortes de conscience de la remémoration. Donc voilà, nous sommes arrivés au bout de notre étude. Souvenez-vous, ceci n'est pas seulement de la théorie, vous devez essayer de mettre tout cela en application, vous devez pratiquer et encore pratiquer, développer votre pratique, et il est possible qu'un jour, dans cette vie même, vous réalisiez tout cela. So, for practicing meditation constantly in meditation center timely, as well for keeping touch at home at least, half hour or 1 hour per day. May all of you be well, happy, peaceful, finally attain Nirvana within. Sadhu, sadhu, sadhu.